Bonjour à tous. Comme j'ai la lourde tâche de commencer cet après-midi sur l'heure de la digestion, je l'avoue tout de suite, je n'ai pas repris de recette à la façon de Jean-François Parot dans sa série de Nicolas Le Floch. Donc non, il n'y aura pas de recette de cuisine aujourd'hui. Il n'y aura pas non plus de duel à l'épée à la sortie dans le hall d'Albâtre. Non, ce sera nettement plus terre à terre. Je n'en doute pas. Il faut reconnaître que quand j'ai commencé mes travaux de recherche en vue de ma thèse d'école des chartes, l'historiographie de la police n'avait pas encore beaucoup démarré. Ils en étaient exactement à ses débuts. Puisque pendant très longtemps, jusque dans les années 80-90, l'histoire de la police était un de ces objets perdus de l'historiographie. La situation a bien changé depuis, avec notamment plusieurs projets de l'Agence nationale de la recherche, à la fois sur la circulation des savoirs policiers et aujourd'hui sur les systèmes policiers européens. Donc avec des noms comme Vincent Millot sur le lieutenant général de police à Paris, Brigitte Marin, Vincent Denis ou Catherine Clément-Denis, aussi bien en France, sur Paris, que dans les villes de province ou en Europe. Donc heureusement, on a la chance de travailler dans un secteur porteur où les études se multiplient. Mais il faut quand même reconnaître que ces archives de la police n'étaient pas inédites. Vous avez tous en tête soit Arlette Farge, bien évidemment, soit Robert Darnton sur l'histoire du livre, ou la mendicité, Christian Romont, l'histoire du jeu, Francis Freundlich, la prostitution, Erika Marie Benabou, ou encore plus connu, Stephen Kaplan sur les approvisionnements. Mais c'est justement Stephen Kaplan, en 1981, qui lance une étude précurseur dans la revue d'histoire moderne et contemporaine. Sans prétexte aucun, la police mérite d'être étudiée car elle est une institution clé de l'Ancien Régime. Et ensuite, il lance un certain nombre de pistes de travail sur les commissaires de police. On ne peut séparer le commissaire de son quartier. Malgré l'importance de la spécialisation, c'est chez lui que se joue le destin quotidien des Parisiens. C'est effectivement le cas, tout simplement parce qu'à l'époque, la définition de la police est extrêmement large et couvre tous les sujets qui doivent mener à la plus parfaite félicité dont l'homme puisse jouir dans la vie, comme le disait un des commissaires de Lamarre, repris par Daniel Roche. Donc c'est dans cette veine que je me suis penchée sur la question des commissaires enquêteurs examinateurs au Châtelet, sachant qu'ils sont 48 à l'époque, en poste dans les 20 quartiers de police de Paris. Donc on regardera la carte un peu plus tard. Mais comment devient-on commissaire, puisque c'est un office? Pourquoi l'achète-t-on? Comment fait-on carrière? Et comment concrètement partage-t-on les tâches sur le terrain? Est-ce que c'est un véritable roman policier avec des crimes à tous les coins de rue? Est-ce que c'est simplement du maintien de l'ordre ou des questions d'alignement, de boue, de nettoyage de la ville? Comment est-ce que ça s'organise réellement, puisque les commissaires sont eux aussi une pièce dans la grande machine policière et judiciaire de l'époque et de l'Ancien Régime? Donc, Paris est divisé en 20 quartiers de police, mais je ne m'appuierai que sur le quartier du Louvre, puisque c'est le quartier que j'ai étudié, donc quartier du Louvre, Saint-Germain-l'Auxerrois, qui, à l'époque, compte un peu plus de 16 000 habitants, probablement, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, sachant qu'en plus, le Louvre est une demeure royale, donc ne dépend pas des mêmes juridictions et des mêmes policiers. Sur ce quartier, deux commissaires en poste pour 16 000 habitants. Les quartiers les plus grands peuvent avoir jusqu'à 3 commissaires en poste au même moment. Un commissaire qui va être en poste pendant toute la seconde moitié du XVIIIe siècle, de 1751 à 1791, Pierre Chénon, le père, et donc qui est situé sur des petites rues qui sont grosso modo sous l'ancienne Samaritaine, ou dans ce pâté de maison-là, et qui a comme collègue tout d'abord Louis Cadot, qui est en poste avant lui et qui reste jusqu'en 1761, puis Hubert Mutel, et côté très atypique sur le sujet, son propre fils, Marie-Joseph Chénon. Voilà. Tout ça fait que le quartier est atypique, ne serait-ce que par la longévité en poste d'un des commissaires et par le simple fait qu'il soit en binôme avec son fils. Pour étudier tout ça, j'ai eu la chance de pouvoir dépouiller la série grecque des archives du Châtelet, donc, qui était en cours de classement et dont l'instrument de recherche est sorti depuis, par Isabelle Fouché. Donc, deux archives tout à fait lisibles et correctes, 18e siècle, avec un certain nombre de procès-verbaux. Sachant que, petite spécificité, aux archives nationales, ces archives-là sont classées par office de commissaire. Chaque commissaire est responsable de la bonne conservation des minutes et des archives de son prédécesseur. Il y a une deuxième collection, probablement à peu près équivalente, qui concerne les archives de l'Arsenal, conservées à la Bibliothèque nationale sur le site de l'Arsenal, tout simplement parce que la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est l'époque où les bureaux de la lieutenant générale de police et où l'administration se met en place, se centralise. Sartines et Lenoir ont une conception extrêmement centralisée du rôle des archives. Et tous ces rapports qui sont faits sur le terrain par les inspecteurs ou les commissaires remontent au niveau de l'administration, sauf que les archives de l'Arsenal, telles qu'elles sont aujourd'hui conservées, sont conservées par typologie, que ce soit procès-verbaux, perquisitions, patrouilles, etc., etc., et à l'intérieur par ordre chronologique. Les 48 commissaires mélangés par ordre chronologique, donc ça rend extrêmement difficile l'étude sur un quartier, contrairement aux archives d'ici. Sauf que Pierre Chénon, a commencé par lui, puisque c'était lui qui est en poste le plus longtemps, produit énormément d'actes. Quand on est face à plus de 1000 actes par an sur un des commissaires, ça va, vous en doutez, imposer un dépouillement et une méthodologie extrêmement particulière, de façon à pouvoir faire face à la masse d'archives et avoir à la fois une analyse quantitative et quand même un certain nombre de détails permettant une analyse plus qualitative. Donc d'un côté, trop d'archives, ça c'est Pierre Chénon, et de l'autre côté, les problèmes que les archivistes et les historiens connaissent aussi, et bien des pertes et des lacunes. Donc un de ses collègues, entre 1760 et 1775, Hubert Mutel, ses archives ont complètement disparu. Elles commencent une fois qu'il est parti hors du quartier du Louvre. Voilà. Donc à chaque fois, toujours cet écueil des sources, comment analyser, comment prendre du recul. On a l'impression d'avoir tous les documents possibles et imaginables, ce qui est bien possible, puisqu'en plus ils ont la gentillesse de numéroter leurs actes, donc on sait très vite si oui ou non il manque un procès-verbal dans la série. Mais que faire face à des absences ou des incompréhensions? Par exemple, si je m'appuie uniquement sur les sources de Pierre Chénon, je vais arriver à la conclusion qu'il n'y a quasiment pas de prostituées dans le quartier du Louvre. J'en ai vraiment que quelques rapports, quelques visites de nuit où il est en compagnie d'un inspecteur, pas grand-chose. En revanche, Erika Marie Benabou, qui, elle, s'est appuyée sur les procès-verbaux et les perquisitions conservées à l'Arsenal, considère que le Louvre est un des quartiers où il y a le plus de prostituées. Donc toujours, toujours pouvoir prendre du recul. Ce qui fait que je vais présenter aujourd'hui de façon extrêmement classique et loin d'être exhaustive, le fruit de mes recherches, à la fois comment devient-on commissaire, ce que je disais, puisque c'est un office, mais l'achète-t-on simplement dans un but d'ascension sociale? Est-ce qu'on a un véritable amour et intérêt pour le service, le bien public? Ensuite, comment pratique-t-on ce métier? Est-ce que c'est un policier de terrain, comme on le voit aujourd'hui, ou comme on le voit dans les romans policiers? Et enfin, le commissaire au sein d'une pyramide et d'une administration beaucoup plus complexe, puisque c'est une pièce clé dans la justice et la police de l'époque. Très classiquement, mon étude a commencé avec la volonté de reconstituer leurs origines familiales. Qui sont ces officiers? Pourquoi ont-ils acheté cet office? D'où viennent-ils? Quels sont leurs parcours familiaux, etc., etc. Heureusement, je n'ai pas eu à dépouiller l'intégralité du minutier central, puisque certains avaient la gentillesse de me faire passer les actes qui concernaient des commissaires, ce qui me gagnait un temps fou dans les dépouillements. Mais ça m'a quand même permis de faire un essai de prosopographie, pas sur l'ensemble des 48 commissaires, hein, il ne faut pas exagérer, mais au moins d'avoir des éléments et des actes notariés pour reconstituer l'histoire des quatre commissaires du quartier du Louvre. En fait, tout ça partait d'une remarque de Louis-Sébastien Mercier dans le tableau de Paris. Il est très ambigu sur ce qu'il dit sur les commissaires, à la fois en attendant beaucoup et en étant déçu par rapport à... Ils n'accomplissent pas tout ce qu'il aurait aimé qu'ils accomplissent et qu'ils soient à la hauteur de leurs fonctions. Et donc une de ces critiques, justement, c'est que ces commissaires, ce sont bien souvent un clerc qui balance entre une étude de notaire, de procureur ou une charge d'huissier-priseur, qui le plus souvent adopte ces fonctions redoutables. Donc on sent bien une sorte de manque de formation et le fait qu'il devient commissaire un peu par hasard. Faute de mieux, parce que c'est peut-être moins cher que de devenir avocat, enfin voilà. Pas vraiment une vocation. Or, eh ben, en fait, il n'y a pas un modèle. Oui, effectivement, Louis-Sébastien Mercier avait manifestement en tête un ou deux commissaires qui correspondent à ce modèle-là, enfin, ce type-là. En revanche, j'ai énormément de contre-exemples qui, eux, ont un véritable intérêt pour cet office. Tout d'abord, on peut constater qu'un certain commissaire Crespi, lui, est fils de maître rôtisseur. Il est l'épouse d'une fille de marchand boucher et il achète son office en 1749. Il fait ensuite toute sa carrière comme commissaire. C'est vrai qu'on est un peu loin des offices de justice traditionnels. Et il y a bien des clercs de notaire, au moins trois que j'ai pu repérer dans la seconde partie du XVIIIe siècle, aussi bien Carlier en 1754, Coquelin, qui ensuite fait une très grande carrière, y compris dans la compagnie des commissaires, et un certain Formel. Mais les plus fréquents, c'est les modèles que j'ai retrouvés pour le quartier du Louvre, et en fait, ce sont des descendants de bourgeois de Paris. Des bourgeois de Paris qui, au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, commencent à acheter des offices municipaux. Donc, on a Hubert Mutel, le deuxième commissaire du quartier du Louvre. On a les Chénons et on a aussi, par exemple, Clairet, qui est, lui, commissaire au Palais Royal. C'est vraiment le modèle le plus typique. D'autres commencent déjà à avoir des liens avec le monde de la justice, avec des offices au Parlement, au Châtelet, et une endogamie assez notée qu'on remarque. Ce qui est assez amusant, donc François Bourgeois, qui est commissaire dans le quartier Saint-Jacques entre 1750 et 1785, les Chénons ont énormément de procureurs et d'huissiers dans leurs beaux-frères, enfin, et dans leur parentèle un peu élargie. Et bizarrement, leurs cousins, beaux-frères, etc., leur amènent un certain nombre de clients. Ou vice-versa. Le commissaire leur demande de faire les... Voilà, c'est assez amusant de voir ces liens qui transparaissent une fois qu'on a reconstitué les arbres généalogiques. Et un ou deux exemples quand même de gens qui manifestement n'auraient pas une énorme vocation pour le bien public, mais ont en vue l'ascension sociale. Et le plus frappant étant Louis Cadot, le commissaire en poste entre 1731 et 1761 dans le quartier du Louvre. A priori, d'après les dépouillements que j'ai pu faire dans les registres paroissiaux des archives des Yvelines, il est descendant de propriétaires terriens dans les Yvelines. Il arrive à Paris, il exerce pendant 30 ans dans le quartier du Louvre sans aucune promotion. Vraiment, les plaignants se plaignent qu'ils doivent repasser plusieurs fois parce qu'ils ne le trouvent pas sur place. Donc on pourrait penser que c'est qu'il est débordé de travail et qu'il est à l'extérieur. Or, il a la gentillesse de numéroter tous ses procès-verbaux et tous ses actes. Et c'est là qu'on voit qu'il va jusqu'à 1, 2 et 3, des fois jusqu'à 5 actes. Et à la fin de sa carrière, vraiment, il en fait 3 ou 4 actes par mois et c'est tout. Et il revend son office donc dans les années 1760. Et bizarrement, je n'ai pas pu reconstituer tout le parcours, mais toujours est-il qu'il revend son office et qu'à un moment donné, il achète une seigneurie. Et donc son faire-part de décès 20 ans plus tard, en 1782, le présente comme seigneur, patron de Cravant et de Valcontat, donc également dans les Yvelines, avocat en Parlement et ancien conseiller du roi, commissaire au Châtelet de Paris, écuyer, gentilhomme de la grande fauconnerie de France. On peut donc se poser des questions sur ses aspirations. En tout cas, il est très net que dès qu'il a pu, après 30 ans comme officier, il a revendu son office et il a préféré acquérir une seigneurie et passer. Et qu'il a fait un peu fortune. On reviendra sur la question de la fortune des commissaires ou non. Et grande question, puisque certains se demandent s'ils sont tous ripoux. Ou pas. Les ripoux des Lumières, vous trouverez un ouvrage qui existe sur ce sujet. Donc, c'est l'inverse. Bon, mais quand même, dans les exemples positifs et j'avoue que ce sont mes petits chouchous, les deux chaînons, donc le père Pierre et le fils Marie-Joseph. Pierre Chaînon, tout d'abord, épouse Jeanne-Élisabeth Sauvé, qui a comme parmi ses frères et sœurs, ses beaux-frères, des procureurs au Châtelet, un certain nombre. Voilà, donc vous avez quand même trois procureurs au Châtelet dans la famille directe. Et Jeanne-Élisabeth Sauvé est la belle-fille d'Emmanuel Nicolas Parizeau, lui-même commissaire au Châtelet dans la première moitié du XVIIIe siècle, et fils de commissaire au Châtelet. Pierre Chaînon n'a même à peine 25 ans quand il achète son office. Et son propre fils devient à son tour commissaire, sans attendre que son père lui transmette son office, mais lui-même n'a pas 25 ans quand il achète son office. Donc soit c'est qu'il s'intéresse vraiment à ces questions-là, soit c'est qu'il a simplement envie de faire fortune si on veut être mauvaise langue. Mais voilà, donc il y a cette dynastie Parizeau-Chaînon sur tout un siècle, puisqu'ils sont en poste jusqu'en 1791 et jusqu'à la fin de l'institution. Mais il y en a d'autres. Il y a les Régnards au début du siècle, et il y en a Louis-Pierre Blanchard, qui est commissaire à Saint-Martin entre 1718 et 1748. Celui qui lui succède, c'est son beau-frère, André de Fac, et tous les deux ont épousé des filles de commissaires. Donc voilà, il y a quand même plusieurs dynasties qui apparaissent de plus en plus nettement au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On plaisantait en disant que si ça se trouve, acheter un office, ça permet de devenir riche. On va bien voir ce qu'il en est. Donc voilà, les lettres de provision d'office qu'on retrouve dans les archives de classe traditionnelle de la Grande Chancellerie aux Archives nationales. Donc celle de Marie-Joseph Chaînon avant qu'il ait ses 25 ans. Et voilà le prix de quelques offices. Parce qu'on cite toujours Lenoir qui, dans ses mémoires écrits après la Révolution, dit qu'au moment de la Révolution, on tourne à 100 000 livres pour un office de commissaire, ce qui est plus élevé que, autour des prix d'un avocat au Parlement. Et effectivement, il n'a pas tort, puisque le dernier exemple que j'ai retrouvé en février 1789 est à 102 000 livres, ce qui fait plus que doubler les prix en un demi-siècle. La progression étant très nette entre 1760 et 1782. Voilà. Lenoir, donc le lieutenant général de police, s'en félicite, puisque pour lui, c'est la preuve que les gens doivent se donner de la peine pour devenir commissaire qui s'y intéresse. La finance de ces charges devenue considérable ne permettait plus qu'elles fussent acquises par des sujets qui n'y eussent pas apporté les fruits d'une bonne éducation, ce qui doit donner à ceux qui l'ont reçu une supériorité des connaissances sur les personnes qui en sont dépourvues. La considération qui leur donnait le droit de participer aux fonctions du lieutenant de police n'était pas le moindre attrait pour des citoyens tenant à l'honnête bourgeoisie, aux maisons d'une réputation intacte dans le commerce, et qui consacraient leur repos, leur liberté et leur patrimoine à servir le public. Donc pour lui, c'est un argument de professionnalisation. Mais il est vrai que pour faire face à cet achat d'office, mécanisme traditionnel sous l'Ancien Régime, on emprunte si possible aux proches, on utilise la dot de son épouse, accessoirement, et ce qui est quand même très intéressant, donc voilà, c'est quelques montages, donc celui-ci pour Pierre Chaînon, et le suivant pour le deuxième commissaire, Hubert Mutel. Mais en particulier, donc, Pierre Chaînon, on voit qu'il utilise donc son avancement d'hoirie, on voit qu'il utilise la dot de son épouse, et par contre qu'il a passé plusieurs emprunts sous forme de rente. 1738-1754, il les rembourse. Donc, et j'ai pas trouvé en 12-15 ans, voilà. Et par contre, 12 000 à côté, les autres en 3 ans aussi. Même chose pour ses successeurs. Donc, il rembourse de plus en plus vite, et je ne trouve pas de trace d'autres emprunts. Donc, j'imagine que c'est grâce à leurs fonds propres qu'ils ont réussi à rembourser. C'est la même chose pour les inspecteurs de police, dont le prix des offices augmente aussi, et qui remboursent de plus en plus vite. Mais donc, je disais 48 commissaires sur les 20 quartiers de police dans Paris. Le lieutenant général de police se retrouve donc face à ses officiers. Il ne sait pas trop quelle formation ils ont reçue, même s'ils sont tous normalement avocats en Parlement. Et donc, on peut penser qu'ils ont eu des nuances et des études en droit, quoiqu'à 25 ans, on se demande à quel point ils ont pu exercer ou avoir des connaissances approfondies sur le sujet. Mais donc des commissaires, des officiers, il faut bien qu'ils fassent avec. Puisque il ne peut absolument pas les démettre ou les faire changer de poste. Le Vincent Millot, qui travaillait lui sur la lieutenant générale de police, a fait une étude statistique à partir des almanachs royaux pour calculer la durée en poste dans les différents quartiers et voir comment s'organise la transmission des savoirs entre les commissaires des quartiers. Puisque j'ai dit qu'ils étaient deux ou trois, est-ce qu'il y en a un ancien et un plus jeune? Est-ce que on apprend le métier sur le terrain? Ce qui paraît très logique. Comment est-ce que ça se passe? Donc en fait, il a son étude et donc son article dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine montre dresser trois typologies de différents quartiers. Les quartiers de passage, en fait, ceux où on reste moins de 10 ans, on apprend le métier généralement aux côtés de quelqu'un plus ancien dans le métier. Donc c'est Saint-Benoît ou Saint-Germain-des-Prés. Un quartier où on s'enracine au-delà de 20 ans, et vous imaginez bien que le Louvre, avec un commissaire qui est en poste pendant plus de 50 ans, en est l'exemple typique. Et qui est également, donc non seulement on s'enracine, mais on va pouvoir petit à petit progresser. Donc en devenant ancien, c'est-à-dire l'homme de confiance du lieutenant général de police dans ce quartier-là, et également en progressant au sein de la compagnie des commissaires, qui est la compagnie professionnelle sur la chose. Et donc un certain nombre de quartiers intermédiaires qui servent à faire carrière et qui servent également à approfondir le métier, justement avec ce fameux binôme jeune et ancien. Les anciens, en fait, donc, sont chargés de la coordination dans un quartier, sont l'homme de confiance du lieutenant général de police, et c'est surtout que le lieutenant général de police peut promouvoir qui il veut. Il n'a absolument pas de compte à rendre. C'est justement ce que ce que cite un des contemporains juste après la Révolution. Un commissaire était distingué par le titre d'ancien, titre qui n'appartenait pas toujours à l'ancienneté réelle, mais qui était accordé par le lieutenant général de police au zèle, au mérite ou à quelques considérations particulières. Et c'est sur ce point qu'il est intéressant de revenir. Pourquoi le lieutenant général de police va-t-il mettre en avant quelqu'un qui n'a pas forcément plus d'ancienneté qu'un autre, mais en le distinguant comme son homme de confiance? En fait, toujours cette étude de Vincent Millot à partir de l'almanach royal considère que sur les 12 anciens qui sont nommés entre 1766 et 1790, ils ont entre 6 et 17 ans d'ancienneté. En moyenne, 12 ans d'ancienneté. Et vous imaginez bien qu'il y a plus de 10 ans d'écart sur la nomination. Et le Louvre en est un exemple assez criant. Pierre Chénon donc, a acheté son office en 1743. Il est en poste à Saint-Benoît, Sainte-Opportune. Il arrive au Louvre en 1751. Il est immédiatement nommé ancien. Alors que dans le quartier du Louvre, il retrouve Louis Cadeau qui est en poste depuis 20 ans. Louis Cadeau, le fameux qui fait 3-4 actes par mois. Entre nous. Hein. Enfin, à l'époque, il en fait plutôt une vingtaine. Mais on peut quand même se demander s'il n'y aurait pas un lien de cause à effet sur la nomination par le lieutenant général de police d'un commissaire jeune, dynamique, qu'il ferait venir exprès dans ce quartier-là. Enfin, en tout cas, on peut se poser la question. Mais en fait, on peut aussi se poser la question sur les différentes pratiques du métier. Parce que Louis Cadeau est un commissaire à l'ancienne. Il ressemble de façon frappante à Pierre Régnard le Jeune, qui est le commissaire à Saint-Eustache entre 1712 et 1751, et qui avait été étudié par Cécile Collin. Régnard le Jeune dressait environ 177 actes par an. Louis Cadeau, on tourne autour de 206 par an. Dans la plupart des cas, il renvoie les parties se pourvoir, il ne tranche pas véritablement, en tout cas il les envoie. Contrairement à Pierre Chénon, qui lui est vraiment hyperactif, voire trop actif, et des fois on se demande comment il fait pour être à la même heure, au même endroit, adresser deux actes différents. Ça, il a un clerc qui est un homme de... sur lequel il se repose beaucoup. Et manifestement, un certain nombre d'actes sont dressés par Leclerc en l'absence du commissaire, ce que les lieutenants généraux de police reprochent assez régulièrement tout au long du demi-siècle. Mais, voilà. Et donc, parallèlement, ce sont ces... Donc ça, la nomination comme ancien par le lieutenant général de police, mais je vous disais qu'il y avait également une compagnie des commissaires, qui était l'organisme professionnel. Donc avec, vraiment très classique, un receveur, deux syndics et un doyen, plus un greffier, bien évidemment. Or, toujours Vincent Millot remarque que ces hommes de la compagnie, les receveurs, les syndics, sont eux aussi des spécialistes qui avaient été reconnus et mis en avant par le lieutenant général de police. Et il faut reconnaître que Pierre Chénon est devenu receveur de la compagnie en 1764. Il a été syndic entre 1767 et 1775, et plus ensuite doyen, donc à l'âge, au bénéfice de l'âge, en 1790-91. Donc, parallèlement, Pierre Chénon progresse dans aussi bien au sein, auprès de ses collègues que en tant qu'homme de confiance du pouvoir. Alors que son collègue du quartier du Louvre, donc Louis Cadot, n'était pas très efficace. Le suivant, Hubert Mutel, celui dont on n'a pas les archives, donc je ne peux absolument pas juger, mais il faut reconnaître que Hubert Mutel est en poste 10 ans dans le quartier du Louvre, il en part, et très vite il devient greffier de la compagnie des commissaires. Mais manifestement, sa carrière avait été bloquée un certain temps lorsqu'il était aux côtés de Pierre Chénon. Voilà à peu près un panorama rapide des commissaires et de leurs offices et de la carrière qu'ils peuvent espérer avoir aussi bien sur le plan géographique que sur le plan professionnel. Mais que font-ils en vrai le reste de leur journée? Donc, puisqu'on parlait de commissaires devenus romancés également devenus des héros de feuilletons télévisés, mais est-ce que tous ont une vie aussi trépidante? Alors, Louis-Sébastien Mercier reconnaît que ses fonctions sont presque toujours tristes ou contraignantes. Si l'on relève un corps mutilé ou ensanglanté, c'est pour les yeux du commissaire. Toutes les blessures que la perfidie, la fureur et le hasard occasionnent viennent sur leur regard. Nicolas des Essarts, lui, dans son dictionnaire de la police, est également élogieux. « Je regarde la maison d'un commissaire comme une espèce de temple civil où l'on va la chercher des secours contre le malheur. C'est au commissaire qu'il faut avoir recours et telle est la première pensée qui vient à l'esprit et la seule chose qu'on ait à faire pour s'assurer d'une justice immédiate. » En fait, leurs missions sont assez éloignées de celles aujourd'hui de la police judiciaire, avec un certain nombre de tâches qu'on pourrait schématiser au possible, à la fois avec des missions civiles, donc type scellés après décès, des comptes de tutelle ou de communauté, ou des partages et des enquêtes, plus le côté police judiciaire criminelle qu'on connaît aujourd'hui, donc avec des plaintes, des interrogatoires ou des informations, le maintien de l'ordre, la bonne sécurité du quartier, donc ce qu'on disait tout à l'heure sur les boues, la voirie, l'alignement des maisons, et un certain nombre de spécialisations à la demande du lieutenant général de police. Donc que ce soit sur les prostituées, l'approvisionnement en particulier, ou poursuivre des populations comme les étrangers, les protestants, les juifs, enfin, voilà, qu'on suit de plus près. Ça veut dire qu'ils font beaucoup de choses. Et ça veut dire également que certains commissaires spécialisés, on se demande ce qu'ils ont le temps de faire, puisque c'est un exemple quand même extrêmement atypique, mais Pierre Chénon est chargé par le lieutenant général de police de la Bastille, donc des interrogatoires à la Bastille, et de la librairie, donc toutes les perquisitions chez les libraires, à la fin de l'Ancien Régime. Donc, pour prendre le premier semestre 1789, vous imaginez bien qu'il fait 79 perquisitions au mois de mars, chez des libraires, Palais Royal, rue Saint-Jacques. Il y passe à peu près tous les deux jours à la recherche d'un certain nombre de titres prohibés. À côté, il ne dresse que 29 actes courants, plus traditionnels, voilà. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, parallèlement, son propre fils, donc, qui est le deuxième commissaire du quartier, oui, j'ai eu un souci, non, mais... lui est de plus en plus spécialisé dans la lutte contre la mendicité. Donc là, ce sont les chiffres 1788, mais vous voyez bien que lui aussi dresse de plus en plus d'actes et d'arrestations sur ce point. Donc, que deviennent, on peut se demander ce que deviennent les habitants du quartier, alors que leurs deux commissaires ne sont plus en poste dans leur hôtel, mais sont en train de circuler dans tout Paris à la demande du pouvoir et sur des missions spécialisées. On reviendra justement sur la question des relations entre les Parisiens et leurs commissaires, puisque c'était une des choses que j'ai pu essayer d'analyser grâce à un dépouillement systématique de certains fonds. À côté, donc, se pose la question des revenus, puisque on plaisantait sur le fait de devenir riche ou d'être époux, on plaisantait sur le nombre de tâches et le surmenage qu'ils avaient à faire, mais est-ce que ça rapporte vraiment ? Tout simplement. Petit 1, je vous rappelle que comme ce sont des officiers, ils ont également des gages qui sont calculés en fonction de la finance de leurs offices. Quand la finance de l'office double au cours du siècle, enfin, du demi-siècle, on peut penser que ça ne va pas être sans conséquences sur ce point-là. Le Noir, par exemple, donc, qui écrit pour se justifier juste après la Révolution, parle de 82 800 livres annuels qui seraient versés à ce titre aux 48 commissaires en exercice. À côté, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est le mécanisme de la bourse commune. Je vous parlais de la compagnie des commissaires qui réunissait donc de façon professionnelle les 48 commissaires. Mais en fait, elle a surtout et également comme intérêt un mécanisme de compensation. Pour être sûr que tous vont bien remplir leurs tâches, en particulier leurs missions aux civils et leurs missions de police qui ne sont pas rémunérées, le principe, c'est que pour un certain nombre d'actes, ils vont mettre en commun la moitié de leurs revenus. Que ce soit par exemple pour les plaintes qui sont payantes, ou pour les ouvertures de portes. Donc, quand on peut par exemple voir que chez mon fils, son père, c'est la même chose, vont pouvoir mettre en commun jusqu'à 4000 livres par an sur ce type de mission-là. Donc, 4000 livres de ce côté-là, ils en gardent 4000 pour eux aussi. Parallèlement, ils sont spécialisés, donc par exemple, Pierre Chenon va recevoir jusqu'à 4 livres par jour en tant que commissaire de la Bastille, directement du pouvoir royal. Et également, le lieutenant général de police a à sa disposition un certain nombre de gratifications extraordinaires qu'il peut remettre. Donc on comprend mieux pourquoi ils peuvent rembourser 10 000 livres en moins d'une dizaine d'années. Je posais la question de savoir comment les habitants du quartier du Louvre réagissaient vu que leur commissaire n'était pas forcément dans le quartier et se transportait dans tout Paris. En fait, ça revient au lien entre les Parisiens et leur police. Et c'est là qu'on se rend compte, sur le cas très précis du Louvre, que la plupart des plaignants, c'est-à-dire ceux qui vont volontairement chez le commissaire, je ne prends pas en compte les arrestations ou les flagrants délits, puisque bien évidemment, ça changerait les chiffres. Mais ceux qui viennent chez le commissaire, eh bien, ils n'habitent pas dans le Louvre, dans le quartier du Louvre. D'ailleurs, c'est bien une des préconisations du lieutenant général de police qui passe son temps à rappeler aux commissaires qui sont supposés être disponibles sur place et que les Parisiens sont supposés se rendre chez un des deux ou un des trois commissaires de leur quartier. Ils ne sont pas supposés aller chez les voisins. Sauf que, sur 69, il y en a 54 qui habitent en dehors du quartier. L'autre point, ils peuvent travailler dans le quartier, d'où une étude sur leurs origines et leur profession. Mais autant dans tous les actes, au moment où ils déposent une plainte, ils vont dire où ils demeurent, autant ils ne vont pas dire où ils travaillent. Donc c'est difficile de faire des choix. Donc vous remarquez énormément une très large fourchette sociale des hommes, mais également des femmes, puisqu'elles sont quand même 21 à venir porter plainte. Et sur ces 21, plus de 17 viennent de loin. Si en fait on croise à la fois le niveau social, les professions, le niveau de signature et le type d'affaires, on se rend compte que les Parisiens savent choisissent leur commissaire, exprès, manifestement. Pierre Chenon a longtemps eu un certain nombre d'affaires de lettres de change. Donc après, il a des gens de la noblesse qui viennent et de la haute bourgeoisie qui viennent exprès chez lui. En revanche, les petites gens ont tendance à aller effectivement voir le commissaire le plus proche de chez eux, à certaines exceptions près. C'est-à-dire qu'une domestique qui va porter plainte contre son maître ou qui va porter plainte contre le père de son futur enfant, déclarer une grossesse ou demander des secours justement pour pouvoir ensuite élever son enfant, il est très rare qu'elle aille chez le commissaire de son quartier. Elle va beaucoup plus souvent changer de quartier et en l'occurrence aller dans le quartier du Louvre, mais il est fort probable que ces chiffres se retrouvent ailleurs pour Paris. Je disais qu'on retrouvait des gens de toute strate sociale, tout niveau d'alphabétisation. Je vous laisse le lire puisque c'est un peu phonétique, mais voilà la transcription littérale d'une de ces petites lettres qu'envoie une prisonnière au commissaire suite à son interrogatoire. La sensibilité que j'ai cru apercevoir en vous lors de mon interrogatoire m'inspire assez de confiance pour vous supplier de m'être utile. Vous le pouvez, puisque les voies de conciliation étant ouvertes à mon égard, il n'est question que de devoir ma défense de celle de Madame Desarnaud et de démontrer à Monsieur le lieutenant de police, dont vous avez la confiance, le quitte de cette division. Je n'ai malheureusement pas la photographie de l'acte en question. Mais... Donc voilà, j'ai essayé de cartographier, selon les différentes adresses où demeuraient les plaignants, la sphère d'influence des commissaires. Et donc on voit néanmoins, donc ça c'est au début 1751, et là 1789. Donc on voit quand même que ça se recentre. Tout l'est de Paris est, a priori, ne va pas plus au Louvre. En revanche, les très grands quartiers de police qui sont très larges, même s'ils ont trois commissaires, continuent d'aller voir également les commissaires limitrophes. Voilà, même chose pour le deuxième commissaire du Louvre. Voilà. Après, on connaissait Arlette Farge, donc bien évidemment, quand on prend le temps de lire les procès-verbaux et les plaintes, on trouve toutes sortes d'affaires, toute la misère, comme dirait Louis-Sébastien Mercier, sur ces choses. Mais également, on se rend compte que le commissaire joue un rôle de proximité. Cette affaire, Marie Lavoine vient porter plainte contre son époux, mais il faut savoir qu'avant, ce sont les voisins qui sont intervenus pour essayer de la réconcilier avec son époux. Ensuite, c'est le curé. Ensuite, elle va donc voir le commissaire et de façon à obtenir une séparation de corps et à pouvoir se retirer loin de lui. En revanche, certaines réussissent, elles, à porter plainte, menacer de porter plainte, menacer d'aller au procès, tout en obtenant en échange de petits arrangements. C'est-à-dire la demoiselle Gouault, donc, qui est ouvrière en linge, qui sollicite le père de son futur enfant pour obtenir de l'argent. Le même après-midi, ayant fait donner à Tissot de la plainte, il a prétendu se disculper par de mauvaises raisons. Néanmoins, mieux conseillé, il lui a fait tenir des secours proportionnés à ses fautes, dont elle est contente, et elle retire sa plainte, sans aller jusqu'au procès, d'où l'intérêt aussi du parajudiciaire et de l'infrajudiciaire dans certaines choses. Donc ça, c'est le Parisien au cours de sa vie quotidienne et de ses soucis. Mais certains connaissent bien mieux les rouages de la police et même en tirent de bons profits. Les plus connus sont les auxiliaires naturels de la police, pour reprendre l'expression de Lenoir. En particulier les revendeuses. Ce sont ces femmes le long des quais qui vont revendre des effets, notamment des chemises, des torchons, etc. etc. qui sont une sorte de petite armada, bien située pas loin des quais, puisqu'on a vu que le quartier du Louvre donnait sur la Seine, et qui ont des mécanismes tout à fait rodés, pour attraper toute personne qui leur paraît un peu suspecte. Donc on a vraiment toutes sortes d'affaires. Il y a celle qui prétend ne pas avoir la monnaie, donc demande à être accompagnée bizarrement jusqu'à l'hôtel du commissaire pour obtenir de la monnaie. Celle qui ne sait pas tenir son registre, donc demande à aller voir quelqu'un d'autre qui lui écrira le montant du... Voilà. Et puis alors, d'autres, vraiment comme je vous disais, une meute et une armada, qui s'entraident. Donc elle voit bien que l'homme est un peu fuyard, se méfie. Donc une deuxième revendeuse lui a conseillé de se sauver du côté de la rue de la Monnaie. Ce particulier s'est saisi d'un train de carrosse pour courir plus vite. La comparante l'a suivi et sous prétexte de l'échapper tout à fait, elle l'a fait entrer à notre hôtel. Quand cet homme s'est aperçu qu'il était détenu, il a voulu s'en aller. Mais elle, donc la revendeuse, et aidée de ses camarades, l'a retenue. Elles sont rodées, mais il faut reconnaître que la femme Malebranche, on la retrouve presque tous les jours chez le commissaire Chénon entre 1758 et 79. La femme Lahure entre 1768 et 1790. Et la femme Le Mansou entre 1757 et 1783. Donc, elles ont vraiment un pied à terre chez lui. Mais elles y ont intérêt. Je disais que l'une disait qu'elle était analphabète et ne pouvait pas tenir son registre. Bizarre, parce qu'une autre revendeuse qui, elle, n'a jamais travaillé et n'a jamais aidé le commissaire Chénon, elle est arrêtée, jetée en prison pendant quelques jours, parce que justement son registre n'est pas à jour et qu'elle est soupçonnée de recel. Elle a beau dire qu'elle ne sait pas lire et écrire, qu'elle ne peut pas tenir son registre à jour, cette fois-ci, elle se retrouve en prison. Et beaucoup plus intéressant, toutes ces revendeuses qui apportent, qui accompagnent des suspects ou des... chez le commissaire, vont être ensuite entendues lors de l'information, donc lors de l'enquête. Les informations, les témoins, sont dédommagés à hauteur de 20 sous par jour. Enfin, c'était un peu plus, ensuite c'est 20 sous. Enfin, le lieutenant général de police voudrait bien qu'on fasse des économies, que ce soit 15 sous. Le commissaire peut augmenter à 20 sous, mais vraiment dans des cas où les renseignements seraient très intéressants. Ben, bizarrement, toutes les revendeuses touchent 20 sous, alors que chacune dit la même chose que sa prédécesseuse. C'est vraiment mot pour mot la même chose pendant 20 ans comme témoignage. Sachant que 20 sous, c'est à peu près le montant d'une chemise en bon état qu'elles auraient revendue sur les quais. Donc voilà, c'est assez donnant-donnant. Donc après, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les rébellions ne sont pas si fréquentes lors des arrestations. Ce ne sont pas les commissaires qui les font. La plupart du temps, ce sont les archers de l'hôpital, donc qui arrêtent les mendiants, ou le guet et la garde, qui n'ont vraiment pas bonne réputation, aussi bien parmi les Parisiens que parmi la police. Je ne citerai qu'un seul exemple de ce type. En 1787, la population s'amasse, crie au mouchard, le guet essaye d'intervenir, arrête plusieurs personnes, les conduit chez le commissaire, ça se passe mal, il faut envoyer des renforts, etc. Donc plusieurs jours plus tard, le lieutenant général de police écrit au commissaire pour avoir des détails, savoir comment ça s'est passé. Je ne sais pas ce que Marie-Joseph Chénon lui a envoyé en définitive comme courrier, mais son brouillon était très net. La garde ne l'a arrêté que comme le plus petit et n'en attendant pas de résistance, autrement elle n'eût osé le faire. Je profite de cette occasion, monsieur, pour vous réitérer mes plaintes sur la conduite de la garde, tant à pied qu'à cheval, dans cette affaire, mais plus contre son commandant, qui paraît, par une suite de l'affection qu'il me porte, avoir mis de l'affectation dans la lenteur ou le défaut de secours. Ça, c'est contre la garde. L'inspecteur, lui, s'est fait porter malade. Donc il n'a pas pu venir porter secours au commissaire. Mais voilà, ce sont quelques exceptions. Et dans l'ensemble, les commissaires sont un rouage tout à fait important du monde de la police et de la justice à l'époque. Je ne détaillerai pas, parce que c'est complexe et que nous n'avons pas le temps, mais voilà, un essai des nombreux acteurs qui sont bien sûr tous ou presque tous en concurrence les uns contre les autres, qui interviennent dans la police au sens actuel et à Paris sous l'Ancien Régime. Un des interlocuteurs principaux, c'est bien sûr le procureur du roi au Châtelet, puisqu'il a absolument besoin des procès-verbaux du commissaire pour pouvoir ensuite monter sa procédure. En particulier les informations. Donc, les informations sont tous les actes qui tendent à établir la preuve d'un crime et à en découvrir les auteurs. Mais on donne plus particulièrement ce nom à l'acte ou au procès-verbal qui contient les dépositions des témoins. Normalement, les commissaires ont 24 heures pour les déposer au greffe, sachant que, en tout cas pour les commissaires du Louvre, ces délais ne sont jamais tenus et qu'au mieux, ils arrivent à déposer leurs actes entre 48 et 72 heures, mais très vite, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, ce délai n'est absolument pas tenu, ni par Pierre Chénon, ni par son fils Marie-Joseph Chénon. Il faut quand même remarquer que parallèlement, le procureur du roi, qui ensuite est supposé lui donner lui aussi l'ordre d'informer rapidement, après la plainte ou la déclaration de vol, lui aussi, les délais sont de plus en plus longs et se rallongent de plus en plus. Néanmoins, il continue de les suivre, à la fois en termes de délais et également en vérifiant la forme des actes et leur légalité. Et d'ailleurs, il n'y va Il a un certain nombre de reproches manifestement justifiés contre Pierre Chénon, même s'il les fait sur un ton ironique. « Je ne puis me dispenser de vous faire observer qu'il serait très juridique de recevoir préalablement la déclaration du plaignant avant que d'envoyer l'accusé en prison. Qu'il conviendrait aussi de faire mention que l'accusé a été envoyé en prison. Votre procès-verbal annonce bien que Benoît a été amené devant vous et que vous lui avez fait subir interrogatoire, mais il n'y est pas fait mention qu'il a été envoyé en prison. Au moyen de quoi je dois être étonné de ce que, le 11 juin, vous vous êtes transporté dans les prisons du Grand Châtelet pour lui faire subir un nouvel interrogatoire. Quoique ces procès-verbaux soient faits de l'ordre du roi, encore faut-il que l'on connaisse particulièrement le plaignant et en vertu de quoi l'accusé se trouve en prison. » Paraît effectivement le béaba. Mais en fait, il est très net que Pierre Chénon se sent comme l'homme du lieutenant général de police et que le Châtelet n'est pas sa préoccupation de tous les jours. C'est l'homme du lieutenant général de police, à la fois en termes de spécialisation, puisqu'on a parlé de la Bastille et de la librairie, mais également pour des missions ponctuelles où Le Noir ou Sartine ont besoin de gens de confiance. Ainsi, cette affaire-là qui est un peu mystérieuse, je vous prie, monsieur, de vous transporter dès aujourd'hui à la Salpêtrière pour y interroger de l'ordre du roi la femme de Pierre-Denis Jean de la ville de Mantes, qui est détenue en vertu des ordres de Sa Majesté sur les différents faits contenus au procès-verbal et en la déclaration que je vous envoie. Vous voudrez bien m'en rendre compte vous-même demain entre 11h et midi. Je n'ai rien à vous dire sur le secret qu'exige de pareilles affaires, quelque fabuleuses qu'elles puissent être. Vous prendrez sans doute le parti d'aller tout seul pour faire cet interrogatoire. Le mystère peut néanmoins être levé en partie, puisqu'on a le procès-verbal de l'interrogatoire, et c'est une sombre affaire de sorcellerie, en 1762, pour assassiner le roi. Ils cherchaient un enfant né le jour des rois, et qu'ils auraient tué, et ensuite ils auraient fait des choses assez infâmes avec sa cervelle et son cœur, de façon vaudou un peu, si vous voulez, pour assassiner le Louis XV. Voilà ce type d'affaires où des choses qui effectivement sont également très sensibles, toutes les rumeurs et les risques de révolte et d'émeute, puisqu'il y avait eu en 1749 l'affaire des enlèvements d'enfants, et là c'est la même chose, c'est toujours Chénon qu'on envoie sur le terrain, alors qu'on l'envoie loin dans le faubourg Saint-Jacques, c'est vraiment pas le même quartier. Parce que cette fois-ci, une rumeur s'est répandue comme quoi les enfants qui jouent sur la contrescarpe disparaissent et sont égorgés. Donc Pierre Chénon se dépêche d'y aller et ensuite rend un rapport plutôt optimiste au lieutenant général de police, comme quoi la situation a pu être calmée. Nous avons eu la satisfaction de voir que l'on nous écoutait, que l'on applaudissait à ce que l'on nous disions et que la plupart traitaient de puérilité et de bêtises les bruits qui couraient. Effectivement, il n'y a pas eu d'émeute généralisée en 1767. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez, les commissaires du quartier du Louvre ne fonctionnent pas en vase clos et fonctionnent avec les autres forces de police, notamment les commissaires sur l'ensemble de la ville, mais pas tant que ça, et également avec les inspecteurs, notamment les inspecteurs chargés du vol et de la surveillance sur ce sujet. Les relations étant parfois tendues, puisque dès que ça commence à mal se passer, le commissaire prend plaisir à dire que si ça s'est mal passé, s'il y a des rumeurs de brutalité policière, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'inspecteur. Voilà donc très rapidement quelques-unes des conclusions auxquelles j'avais pu arriver dans ma thèse, et donc qui est aujourd'hui publiée, à partir d'un dépouillement des archives de la série Y, à la fois dépouillement exhaustif pour certaines années et un dépouillement plus qualitatif pour des affaires qui sortaient de l'ordinaire. Vous donnez les sommes, le prix d'une charge qui était de 82 000 euros. Livre, pardon. Je n'ai pas tenté la conversion en euros ni en francs or. Oui, de 82 000 livres. Ce qui, pour situer l'importance de cette somme, je voudrais savoir combien gagnait un ouvrier par jour à Paris. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les chiffres en tête. Je sais qu'un marin à Nantes, un bon marin, gagnait environ une livre par jour, une trentaine de livres par mois. Alors qu'un capitaine gagnait entre 200 et 600 livres par mois, suivant ses qualités, les meilleures. Je vous disais, la chemise bon marché revendue tourne entre 12 et 20 sous. Oui, donc, oui. Donc après, alors, pour les... Dans l'affaire du collier de la reine en 1787, si je ne me trompe pas, le collier valait 1 600 000 livres. Voilà. Ce qui était une somme considérable. Non. Non, c'est parce que ça situe l'importance, la façon dont vont se rémunérer les commissaires, vous voyez, hein, parce qu'il faut retrouver ces sommes et il faut trouver des sources de revenus. Tout à fait. J'avais vérifié aussi à partir d'autres prix d'office, mais là je suis navrée, j'ai plus les chiffres en tête sur les autres offices judiciaires de la période. C'était... Oui, c'est des sommes considérables de toute façon, déjà. Oui. Non, là. Mais qu'ils arrivent quand même à payer. Ils arrivent, pas tous. Certains, au moment, donc, meurent, et au moment où leur veuve revend l'office, ça peut être la veuve qui... Enfin, au moment où ils revendent, c'est le nouvel acheteur qui finit de rembourser et qui se substitue sur les emprunts. C'est rare, mais on a des cas comme ça, parce que justement, il a été en poste 5-6 ans avant de mourir brutalement. Malheureusement, donc, il y a 20 quartiers. Donc, j'ai étudié le Louvre. Quelqu'un avait travaillé en maîtrise sur Saint-Eustache, mais au début du siècle. Il reste des volontaires pour de... Et les cartons d'archives existent, hein, même. L'instrument de recherche avec une introduction, tout. À partir de la série grecque, enfin à partir des archives des commissaires, non, on ne peut pas suivre l'affaire puisqu'on s'arrête à l'information et il faudrait ensuite croiser justement avec les archives Châtelet et Parlement. La seule chose que je puisse dire, c'est que les deux commissaires Chénon ont l'habitude, mais je ne sais pas si c'est exhaustif ou pas, de garder les arrêts du Parlement qui ont été imprimés et édités pour les exécutions. Donc, par exemple, il y a une vingtaine d'affaires qu'ils ont eu à informer, où je sais que les vols, c'était des vols en l'occurrence, se sont terminés par des exécutions. Mais pour les autres, je n'ai absolument pas eu le temps d'aller croiser. C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas eu le temps.